Mon père était donc le fils d'Auguste Labert, et mon père a fait ici, à Mirecourt, comme tous les luthiers, un apprentissage. Un apprentissage qui durait 3 ans. Et il l'a fait chez un luthier qui s'appelait Poisson, qui habitait dans la rue Clémenceau. Et ce luthier, comme vous avez dû le savoir, il avait un surnom. Ils ont tous des... Ça marche votre truc? Oui. Bon, il avait un surnom et on l'appelait le roi de Rome.